Victor Hugo, Actes et paroles, avant l'exil, Cour d'assises, 1851. 1. Pour Charles Hugo. La peine de mort, Cour d'assises de la Seine, procès de l'événement, 11 juin 1851. Note de bas de page. Un braconnier de la Nièvre, Montcharmont, condamné à mort, fut conduit pour y être exécuté dans le petit village où avait été commis le crime. Le patient était doué d'une grande force physique. Le bourreau et ses aides ne purent l'arracher de la charrette. L'exécution fut suspendue. Il fallut attendre du renfort. Quand les exécuteurs furent en nombre, le patient fut ramené devant l'échafaud, enlevé du tombereau, porté sur la bascule, et poussé sous le couteau. M. Charles Hugo, dans l'événement, raconta ce fait avec horreur. Il fut traduit devant la cour d'assises de la Seine sous l'inculpation d'avoir manqué au respect dû à la loi. Il fut défendu par son père. Il fut condamné. Note de l'édition de 1875. Messieurs les jurés, aux premières paroles que M. l'avocat général a prononcées, j'ai cru un moment qu'il allait abandonner l'accusation. Cette illusion n'a pas longtemps duré. Après avoir fait de vains efforts pour circonscrire et amoindrir le débat, le ministère public a été entraîné, par la nature même du sujet, à des développements qui ont rouvert tous les aspects de la question, et, malgré lui, la question a repris toute sa grandeur. Je ne m'en plains pas. J'aborde immédiatement l'accusation, mais auparavant, commençons par bien nous entendre sur un mot. Les bonnes définitions font les bonnes discussions. Ce mot, respect dû aux lois, qui sert de base à l'accusation, quelle portée a-t-il? Que signifie-t-il? Quel est son vrai sens? Évidemment, et le ministère public lui-même me paraît résigné à ne point soutenir le contraire, ce mot ne peut signifier suppression, sous prétexte de respect, de la critique des lois. Ce mot signifie tout simplement respect de l'exécution des lois. Pas autre chose. Il permet la critique, il permet le blâme, même sévère, nous en voyons des exemples tous les jours, et même à l'endroit de la Constitution, qui est supérieure aux lois. Ce mot permet l'invocation au pouvoir législatif, pour abolir une loi dangereuse. Il permet enfin qu'on oppose à la loi un obstacle moral, mais il ne permet pas qu'on lui oppose un obstacle matériel. Laisser exécuter une loi, même mauvaise, même injuste, même barbare, dénoncez-la à l'opinion, dénoncez-la au législateur, mais laissez-la exécuter. Dites qu'elle est mauvaise, dites qu'elle est injuste, dites qu'elle est barbare, mais laissez-la exécuter. La critique, oui, la révolte, non. Voilà le vrai sens, le sens unique de ce mot, respect des lois. Autrement, messieurs, pesez ceci. Dans cette grave opération de l'élaboration des lois, opération qui comprend deux fonctions, la fonction de la presse qui critique, qui conseille, qui éclaire, et la fonction du législateur qui décide, dans cette grave opération, dis-je, la première fonction, la critique, serait paralysée et par contre-coup, la seconde. Les lois ne seraient jamais critiquées et par conséquent, il n'y aurait pas de raison pour qu'elles fussent jamais améliorées. Jamais réformées, l'Assemblée nationale législative serait parfaitement inutile, il n'y aurait plus qu'à la fermer. Ce n'est pas là ce qu'on veut, je suppose. Ce point éclairci, tout équivoque dissipé sur le vrai sens du mot « respect dû aux lois », j'entre dans le vif de la question. Messieurs les jurés, il y a dans ce qu'on pourrait appeler le vieux code européen une loi que depuis plus d'un siècle, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les vrais hommes d'État veulent effacer du livre vénérable de la législation universelle. Une loi que Beccaria a déclarée impie et que Franklin a déclarée abominable, sans qu'on ait fait de procès à Beccaria ni à Franklin. une loi qui, pesant particulièrement sur cette portion du peuple qu'accablent encore l'ignorance et la misère, est odieuse à la démocratie, mais qui n'est pas moins repoussée par les conservateurs intelligents, une loi dont le roi Louis-Philippe, que je ne nommerai jamais qu'avec le respect dû à la vieillesse, au malheur et à un tombeau dans l'exil, une loi dont le roi Louis-Philippe disait « Je l'ai détesté toute ma vie », une loi contre laquelle M. de Broglie a écrit, contre laquelle M. Guizot a écrit, une loi dont la Chambre des députés réclamait par acclamation l'abrogation il y a 20 ans, au mois d'octobre 1830, et qu'à la même époque, le Parlement demi-sauvage d'Otaïti rayait de ses codes, une loi que l'Assemblée de Francfort abolissait il y a 3 ans, et que l'Assemblée constituante de la République romaine, il y a 2 ans, presque à pareil jour, a déclaré abolie à jamais, sur la proposition du député Charles Bonaparte, une loi que notre constituante de 1848 n'a maintenue qu'avec la plus douloureuse indécision et la plus poignante répugnance, une loi qui, à l'heure où je parle, est placée sous le coup de 2 propositions d'abolition déposées sur la tribune législative, une loi enfin dont la Toscane ne veut plus, dont la Russie ne veut plus et dont il est temps que la France ne veuille plus. Cette loi devant laquelle la conscience humaine recule avec une anxiété chaque jour plus profonde, c'est la peine de mort. Eh bien, messieurs, c'est cette loi qui fait aujourd'hui ce procès. C'est elle qui est notre adversaire. J'en suis fâché pour monsieur l'avocat général, mais je l'aperçois derrière lui. Je l'avouerai, depuis une 20aine d'années, je croyais, et moi qui parle, j'en avais fait la remarque dans des pages que je pourrais vous lire, je croyais, mon Dieu, avec M. Léon Fauché qui, en 1836, écrivait dans un recueil la Revue de Paris ceci, je cite. « L'échafaud n'apparaît plus sur nos places publiques qu'à de rares intervalles et comme un spectacle que la justice a honte de donner. Je croyais, dis-je, que la guillotine, puisqu'il faut l'appeler par son nom, commençait à se rendre justice à elle-même, qu'elle se sentait réprouvée et qu'elle en prenait son parti. Elle avait renoncé à la place de grève, au plein soleil, à la foule, elle ne se faisait plus crier dans les rues, elle ne se faisait plus annoncer comme un spectacle. Elle s'était mise à faire ses exemples le plus obscurément possible, au petit jour, barrière Saint-Jacques, dans un lieu désert, devant personne. Il me semblait qu'elle commençait à se cacher, et je l'avais félicitée de cette pudeur. Eh bien, messieurs, je me trompais, monsieur Léon Fauché se trompait, elle est revenue de cette fausse honte. La guillotine sent qu'elle est une institution sociale, comme on parle aujourd'hui. Et qui sait, peut-être même rêve-t-elle, elle aussi, sa restauration. La barrière Saint-Jacques, c'est la déchéance. Peut-être allons-nous la voir un de ces jours reparaître place de grève, en plein midi, en pleine foule, avec son cortège de bourreaux, de gendarmes et de crieurs publics, sous les fenêtres même de l'hôtel de ville, du haut desquels on a eu un jour, le 24 février, l'insolence de la flétrir et de la mutiler. En attendant, elle se redresse. Elle sent que la société ébranlée a besoin pour se raffermir, comme on dit encore, de revenir à toutes les anciennes traditions. Et elle est une ancienne tradition. Elle proteste contre ces déclamateurs démagogues qui s'appellent Beccaria, Vico, Filangieri, Montesquieu, Turgot, Franklin, qui s'appellent Louis-Philippe, qui s'appellent Breuil et Guizot, et qui osent croire et dire qu'une machine à couper des têtes est de trop dans une société qui a pour livre l'Évangile. Elle s'indigne contre ces utopistes anarchiques, et le lendemain de ses journées les plus funèbres et les plus sanglantes, elle veut qu'on l'admire. Elle exige qu'on lui rende des respects, ou sinon elle se déclare insultée, elle se porte partie civile et elle réclame des dommages-intérêts. Monsieur le Président, toute marque d'approbation est interdite comme toute marque d'improbation. Ces rires sont inconvenants dans une telle question. Monsieur Victor Hugo, reprenant. Elle a eu du sang. Ce n'est pas assez, elle n'est pas contente. Elle veut encore de l'amende et de la prison. Messieurs les jurés, le jour où l'on a apporté chez moi pour mon fils ce papier timbré, cette assignation pour cet inqualifiable procès, nous voyons des choses bien étranges dans ce temps-ci et l'on devrait y être accoutumé. Eh bien, vous l'avouerai-je, j'ai été frappé de stupeur, je me suis dit « Quoi ? Est-ce donc là que nous en sommes ?»« Quoi ? À force d'empiètement sur le bon sens, sur la raison, sur la liberté de penser, sur le droit naturel, nous en serions là, qu'on viendrait nous demander non pas seulement le respect matériel, celui-là n'est pas contesté, nous le devons, nous l'accordons, mais le respect moral pour ces pénalités qui ouvrent des abîmes dans les consciences, qui font pâlir quiconque pense, que la religion abhorre, abhorrait à sanguiner, pour ces pénalités qui osent être irréparables, sachant qu'elles peuvent être aveugles, pour ces pénalités qui trempent leurs doigts dans le sang humain pour écrire ce commandement « Tu ne tueras pas ». Pour ces pénalités impies qui font douter de l'humanité quand elles frappent le coupable et qui font douter de Dieu quand elles frappent l'innocent ? Non. Non. Non. Nous n'en sommes pas là. Non. Car, et puisque j'y suis amené, il faut bien vous le dire, messieurs les jurés, et vous allez comprendre combien devait être profonde mon émotion, le vrai coupable dans cette affaire, s'il y a un coupable, ce n'est pas mon fils, c'est moi. Le vrai coupable, j'y insiste, c'est moi. Moi qui, depuis 25 ans, ai combattu sous toutes les formes les pénalités irréparables. Moi qui, depuis 25 ans, ai défendu en toute occasion l'inviolabilité de la vie humaine. Ce crime, défendre l'inviolabilité de la vie humaine, je l'ai commis bien avant mon fils, bien plus que mon fils. Je me dénonce, monsieur l'avocat général, je l'ai commis avec toutes les circonstances aggravantes, avec préméditation, avec ténacité, avec récidive. Oui, je le déclare, ce reste des pénalités sauvages, cette vieille et inintelligente loi du talion, cette loi du sang pour le sang, je l'ai combattue toute ma vie. Toute ma vie, messieurs les jurés. Et tant qu'il me restera un souffle dans la poitrine, je la combattrai de tous mes efforts comme écrivain, de tous mes actes et de tous mes votes comme législateur. Je le déclare devant cette victime de la peine de mort qui est là, qui nous regarde et qui nous entend. Je le jure devant ce gibet où, il y a 2000 ans, pour l'éternel enseignement des générations, la loi humaine a cloué la loi divine. Ce que mon fils a écrit, il l'a écrit, je le répète, parce que je le lui ai inspiré dès l'enfance, parce qu'en même temps qu'il est mon fils selon le sang, il est mon fils selon l'esprit, parce qu'il veut continuer la tradition de son père. Continuer la tradition de son père. Voilà un étrange délit, et pour lequel j'admire qu'on soit poursuivi. Il était réservé aux défenseurs exclusifs de la famille de nous faire voir cette nouveauté. Messieurs, j'avoue que l'accusation en présence de laquelle nous sommes me confond. Comment ? Une loi serait funeste. Elle donnerait à la foule des spectacles immoraux, dangereux, dégradants, féroces. Elle tendrait à rendre le peuple cruel. À de certains jours, elle aurait des effets horribles, et les effets horribles que produirait cette loi, il serait interdit de les signaler. Et cela s'appellerait lui manquer de respect. Et l'on en serait comptable devant la justice. Et il y aurait tant d'amendes et tant de prisons. Mais alors, c'est bien, fermons la chambre, fermons les écoles, il n'y a plus de progrès possible. Appelons-nous le Mogol ou le Tibet, nous ne sommes plus une nation civilisée. Oui, ce sera plutôt fait, dites-nous que nous sommes en Asie, qu'il y a eu autrefois un pays qu'on appelait la France, mais que ce pays-là n'existe plus et que vous l'avez remplacé par quelque chose qui n'est plus la monarchie, j'en conviens, mais qui n'est certes pas la République. Monsieur le Président, je renouvelle mon observation, je rappelle l'auditoire au silence, autrement je serai forcé de faire évacuer la salle. Monsieur Victor Hugo, poursuivant. Mais voyons, appliquons aux faits, rapprochons des réalités la phraséologie de l'accusation. Messieurs les jurés, en Espagne, l'Inquisition a été la loi. Eh bien, il faut bien le dire, on a manqué de respect à l'Inquisition. En France, la torture a été la loi. Eh bien, il faut bien vous le dire encore, on a manqué de respect à la torture. Le poing coupé a été la loi. On a manqué... J'ai manqué de respect au couperet. Le fer rouge a été la loi. On a manqué de respect au fer rouge. La guillotine est la loi. Eh bien, c'est vrai, j'en conviens, on manque de respect à la guillotine. Savez-vous pourquoi, monsieur l'avocat général ? Je vais vous le dire. C'est parce qu'on veut jeter la guillotine dans ce gouffre d'exécration où sont déjà tombés, aux applaudissements du genre humain, le fer rouge, le poing coupé, la torture et l'inquisition. C'est parce qu'on veut faire disparaître de l'auguste et lumineux sanctuaire de la justice cette figure sinistre qui suffit pour le remplir d'horreur et d'ombre, le bourreau. Ah ! Et parce que nous voulons cela, nous ébranlons la société. Ah oui, c'est vrai, nous sommes des hommes très dangereux, nous voulons supprimer la guillotine. C'est monstrueux ! Messieurs les jurés, vous êtes les citoyens souverains d'une nation libre. Et sans dénaturer ce débat, on peut, on doit vous parler comme à des hommes politiques. Eh bien, songez-y, et puisque nous traversons un temps de révolution, tirez les conséquences de ce que je vais vous dire. Si Louis XVI eût aboli la peine de mort, comme il avait aboli la torture, sa tête ne serait pas tombée. 93 eût été désarmé du couperet. Il y aurait une page sanglante de moins dans l'histoire, la date funèbre du 21 janvier n'existerait pas. Qui donc, en présence de la conscience publique, à la face de la France, à la face du monde civilisé, qui donc eût osé relever l'échafaud pour le roi, pour l'homme dont on aurait pu dire « c'est lui qui l'a renversé » On accuse le rédacteur de l'événement d'avoir manqué de respect aux lois, d'avoir manqué de respect à la peine de mort. Messieurs, élevons-nous un peu plus haut qu'un texte controversable. Élevons-nous jusqu'à ce qui fait le fond même de toute législation, jusqu'au fort intérieur de l'homme. Quand Servant, qui était avocat général cependant, quand Servant imprimait aux lois criminelles de son temps cette flétrissure mémorable, nos lois pénales ouvrent toutes les issues à l'accusation et les ferment presque toutes à l'accusé. Quand Voltaire qualifiait ainsi les juges de Calas, « Ah, ne me parlez pas de ces juges, moitié singe et moitié tigre !» Quand Chateaubriand, dans Le Conservateur, appelait la loi du double vote « loi sotte et coupable », quand Royer-Collard, en pleine chambre des députés, à propos de je ne sais plus quelle loi de censure, jetait ce cri célèbre « Si vous faites cette loi, je jure de lui désobéir !» Quand ces législateurs, quand ces magistrats, quand ces philosophes, quand ces grands esprits, quand ces hommes, les uns illustres, les autres vénérables, parlaient ainsi, que faisaient-ils ? Manquaient-ils de respect à la loi locale et momentanée ? C'est possible. Monsieur l'avocat général le dit. Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient les religieux échos de la loi des lois, de la conscience universelle. Offensaient-ils la justice ? La justice de leur temps, la justice transitoire et faillible, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'ils proclamaient la justice éternelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, on nous a fait la grâce de nous le dire, au sein même de l'Assemblée nationale, on traduirait en justice l'athée Voltaire, l'immoral Molière, l'obscène La Fontaine, le démagogue Jean-Jacques Rousseau. Voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on avoue, voilà où on en est. Vous apprécierez, messieurs les jurés. Messieurs les jurés, ce droit de critiquer la loi, de la critiquer sévèrement, et en particulier et surtout la loi pénale, qui peut si facilement empreindre les mœurs de barbarie, ce droit de critiquer qui est placé à côté du devoir d'améliorer, comme le flambeau à côté de l'ouvrage à faire, ce droit de l'écrivain, non moins sacré que le droit du législateur, ce droit nécessaire, ce droit imprescriptible, vous le reconnaîtrez par votre verdict, vous acquitterez les accusés. Mais le ministère public, c'est là son second argument, prétend que la critique de l'événement a été trop loin, a été trop vive. Ah, vraiment, messieurs les jurés, le fait qui a amené ce prétendu délit qu'on a le courage de reprocher au rédacteur de l'événement, ce fait effroyable, approchez-vous-en, regardez-le de près. Quoi ? Un homme, un condamné, un misérable homme, est traîné un matin sur une de nos places publiques. Là, il trouve l'échafaud, il se révolte, il se débat, il refuse de mourir. Il est tout jeune encore, il a 29 ans à peine. Mon Dieu, je sais bien ce qu'on va me dire. C'est un assassin ! Mais écoutez, deux exécuteurs le saisissent, il a les mains liées, les pieds liés, il repousse les deux exécuteurs. Une lutte affreuse s'engage. Le condamné embarrasse ses pieds garrottés dans l'échelle patibulaire. Il se sert de l'échafaud contre l'échafaud. La lutte se prolonge, l'horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, la sueur et la honte au front, pâles, haletants, terrifiés, désespérés. Désespérés de je ne sais quel horrible désespoir, courbés sous cette réprobation publique qui devrait se borner à condamner la peine de mort et qui a tort d'écraser l'instrument passif, le bourreau, les exécuteurs font des efforts sauvages. Il faut que force reste à la loi, c'est la maxime. L'homme se cramponne à l'échafaud et demande grâce. Ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues sont en sang. Il résiste toujours. Enfin, après trois quarts d'heure, on nous chicane sur les minutes, 35 minutes si vous voulez. De cet effort monstrueux, de ce spectacle sans nom, de cette agonie, agonie pour tout le monde, entendez-vous bien, agonie pour le peuple qui est là autant que pour le condamné, après ce siècle d'angoisse, messieurs les jurés, on ramène le misérable à la prison, le peuple respire, le peuple qui a des préjugés de vieille humanité et qui est clément parce qu'il se sent souverain, le peuple croit l'homme épargné. Point. La guillotine est vaincue, mais elle reste debout. Elle reste debout tout le jour, au milieu d'une population consternée, et le soir, on prend un renfort de bourreau, on garrotte l'homme de telle sorte qu'il ne soit plus qu'une chose inerte, et à la nuit tombante, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard, tout ensanglanté, demandant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère, car devant la mort, cet homme était redevenu un enfant. On le hisse sur l'échafaud, et sa tête tombe. Et alors, un frémissement sort de toutes les consciences. Jamais le meurtre légal n'avait apparu avec plus de cynisme et d'abomination. Chacun se sent, pour ainsi dire, solidaire de cette chose lugubre qui vient de s'accomplir. Chacun sent au fond de soi ce qu'on éprouverait si l'on voyait en pleine France, en plein soleil, la civilisation insultée par la barbarie. C'est dans ce moment-là qu'un cri échappe à la poitrine d'un jeune homme, à ses entrailles, à son cœur, à son âme, un cri de pitié, un cri d'angoisse, un cri d'horreur, un cri d'humanité. Et ce cri, vous le puniriez ? Et, en présence des épouvantables faits que je viens de remettre sous vos yeux, vous diriez à la guillotine « Tu as raison » et vous diriez à la pitié, à la sainte pitié « Tu as tort ?» Cela n'est pas possible, messieurs les jurés. Tenez, monsieur l'avocat général, je vous le dis sans amertume, vous ne défendez pas une bonne cause. Vous avez beau faire, vous engagez une lutte inégale avec l'esprit de civilisation, avec les mœurs adoucies, avec le progrès. Vous avez contre vous l'intime résistance du cœur de l'homme. Vous avez contre vous tous les principes à l'ombre desquels, depuis 60 ans, la France marche et fait marcher le monde. L'inviolabilité de la vie humaine, la fraternité pour les classes ignorantes, le dogme de l'amélioration qui remplace le dogme de la vengeance. Vous avez contre vous tout ce qui éclaire la raison, tout ce qui vibre dans les âmes, la philosophie comme la religion, d'un côté Voltaire, de l'autre Jésus-Christ. Vous avez beau faire cet effroyable service que l'échafaud a la prétention de rendre à la société, au fond, en a horreur et n'en veut pas. Vous avez beau faire, les partisans de la peine de mort ont beau faire, et vous voyez que nous ne confondons pas la société avec eux, les partisans de la peine de mort ont beau faire, ils n'innocenteront pas la vieille pénalité du talion, ils ne laveront pas ces textes hideux, sur lesquels ruisselle depuis tant de siècles le sang des têtes coupées. Messieurs, j'ai fini. Mon fils, tu reçois aujourd'hui un grand honneur. Tu as été jugé digne de combattre, de souffrir peut-être, pour la sainte cause de la vérité. À dater d'aujourd'hui, tu entres dans la véritable vie virile de notre temps, c'est-à-dire dans la lutte pour le juste et pour le vrai. Sois fier, toi qui n'es qu'un simple soldat de l'idée humaine et démocratique. Tu es assis sur ce banc où s'est assis Béranger, où s'est assis Lamennais. Sois inébranlable dans tes convictions, et que ce soit là ma dernière parole, si tu avais besoin d'une pensée pour t'affermir dans ta foi au progrès, dans ta croyance à l'avenir, dans ta religion pour l'humanité, dans ton exécration pour l'échafaud, dans ton horreur des peines irrévocables et irréparables, songe que tu es assis sur ce banc où s'est assis les Urques.